explose dans cette présence et malsaine. Tu pleures ta brûlure, tu vomis ces choses, et pour que ça sorte en thank you.